Moi, oui. Pas de problème. Tu es trop forte? T'as non. Trop fort? Non, mais nous autres, on l'entend jamais assez. Elle s'entend tout le temps. Elle s'entend tout le temps. Ben oui, c'est ça, j'essaie. T'as une belle voix, tu fais tout capoter. C'est parce que nous, c'est thérapie. Ah. C'est ça. C'est vraiment ça. Thank you.